up, sipping tea, and this love shit ain't free. So the money up, but the love is gone. Bought a puppy dog, she just buck a lot, so I double up with some other stuff. I bought her ice things, you know, diamonds, pearls. Yeah, the stones are bright, but still no shine-eyed girl. She cut me deep, we had a ting like keys. But it seemed the more I love, the less I see. So I tell my heart, hush up yourself, thank God for help. Tie my feet, tell what love you get. I got money in my pocket, but I just can't get no love. Money in my pocket, but I just can't get no love. The more I love, the more you love, the less I see. Got a Batman wagon, swag like Batman. Leather pants sagging, but still there's no loving. I got X amount of respect from all of the brethren. Cash a big check, but can't bank on love instead. I got enough money to fold, a spot we can all grow. But fight, boom, boom, keep you warm, not forget cold. Got one call of duty, find a color Rooney, where she at? Roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide du voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio. Une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Alors, ce soir, c'est la dernière émission de la première saison de Qui ou quoi, et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est-à-dire, ou plutôt les meilleurs, c'est-à-dire que ce soir, j'ai deux invités, Vincent, bonsoir, bonsoir Vincent, Axel. Et Tiphaine, bonsoir Tiphaine, bonsoir. Pour vous parler de livres à ma place, mais comme je vous le dis, ce sont les meilleurs, et c'est ce soir dans Qui ou quoi. Donc, ils vont vous parler, Vincent va nous parler d'une BD, Magic Pen de Dylan O'Rourke, Stephen va nous parler de King Kong Theory de Virginie Despentes, et c'est maintenant qu'on commence. À toi Vincent, de nous parler. Eh bien, merci Axel. Chers amis auditeurs, auditrices, bonsoir. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous connaissiez de la Nouvelle-Zélande ? Je sens qu'en cette période de Coupe du Monde, nous ne sommes pas nombreux à nous être posé cette question. La Nouvelle-Zélande, parlons-en. Une contrée lointaine située à plus de 19 000 km de notre bonne vieille France. Que connaît-on de la Nouvelle-Zélande ? Pour ma part, quand je pense Nouvelle-Zélande, je pense à un kiwi, au haka, à de la viande d'agneau d'une enseigne dont on ne citera pas le nom, quoi d'autre ? Le réalisateur Peter Jackson ? Je pense aussi à cette série de Jeanne Campion diffusée sur Arte, Top of the Lake. Je recommande surtout la saison 1. J'ai honte de le dire, mais je pense aussi au beau Richard Chamberlain, incarnant dans un réalisme certain un cardinal du Vatican dans cette série que beaucoup de gens de ma génération ont subi. Les oiseaux se cachent pour mourir. Je mettrai ma main coupée que l'auteur dont je vais vous parler ce soir a vu au moins un épisode dans son adolescence. Dylan O'Rourke. Et oui, chers amis, il faudra compter maintenant dans votre parthénon culturel néo-zélandais, Dylan O'Rourke. J'avais découvert cet auteur il y a quelques années en feuilletant X-Ville, un album BD édité par l'association en 2002, où l'auteur déclare son amour immodéré pour la bande dessinée sous toutes ses formes. X-Ville. En gros, raconte l'histoire d'un journaliste qui a pour ambition d'écrire une biographie sur le nouveau génie du comics, un certain Dick Burgers. Notre journaliste décide de se rendre dans la ville natale du nouveau talent. X-Ville, une ville perdue où tous les habitants sont des passionnés de BD. À l'évocation de Dick Burgers, le journaliste se heurte au mutisme le plus total. Que cache donc Dick Burgers ? Pour être franc, même si Hickvilles a été de nombreuses fois récompensé, il ne m'a pas marqué tant que ça. Il faut que je pense à le relire. Si je vous parle d'Hickvilles, c'est qu'à mon sens, il y a une filiation évidente avec Magic Pen. Car Magic Pen, sorti en 2014, édité cette fois-ci par Casterman, est un petit pavé d'un peu plus de 200 pages. Une dizaine d'années séparent Hickvilles de Magic Pen. Dylan O'Rourke a pris de l'assurance dans son dessin. L'album est en couleur et non en noir et blanc, comme dans X-Ville. Le style est influencé par la BD franco-belge. Des choix graphiques qui s'orientent vers une ligne claire. Les couleurs sont en aplat. Hergé est même cité. Là aussi, Dylan nous offre une nouvelle ode à la bande dessinée. Avez-vous déjà eu l'idée de souffler sur les pages d'un livre écrit avec une plume magique? Si vous le faites, vous vous retrouverez aspiré dans le récit et vivrez des aventures exceptionnelles comme Sam Zabel. Sam Zabel, dans l'histoire de Magic Pen, est un dessinateur frappé d'anédonie. Un mot compliqué pour dire que l'auteur est en panne complète d'inspiration. Sam Zabel, qui a eu pourtant son heure de gloire avec la parution de Pickles, se retrouve à travailler sur Lady Knight, un personnage BD super sexy qui ne l'inspire pas du tout. Il est invité un jour dans une université où il fait une conférence. C'est là qu'il rencontre Alice, une jeune admiratrice. Elle lui conseille de faire l'acquisition d'un comics néo-zélandais d'un auteur méconnu. Evan Rice, portant le titre « Le roi de Mars », édité en 1959. Sam, très enrhumé ce jour-là, éternue et se retrouve projeté dans l'univers martien. Sam voyage et noue avec lui. Il vit des aventures et des fantasmes d'auteurs qui ne le mettent pas forcément à l'aise. C'est là tout l'intérêt de Magic Pen, qui m'apparaît comme une œuvre profondément féministe. Dylan O'Rourke, sans verser dans le puritanisme ou dans un politiquement correct, nous offre un questionnement profond à nous, lecteurs, lectrices. Je cite Monsieur O'Rourke à propos de son œuvre. Est-ce qu'on a une responsabilité morale de nos propres fantasmes? Est-ce que nos fantasmes ont un sens? Vaste question auxquelles Sam Zabel et les protagonistes qui l'accompagnent se confrontent et débattent. Le propos est loin d'être ennuyeux, je vous rassure. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense à l'affaire Weinstein. Sam Zabel, dans l'histoire, pourrait user et abuser de sa position. Finalement, sa morale et ses questionnements éthiques le rattrapent. Autre parallèle que j'ai envie de faire, c'est de comparer Magic Pen, tiens, à le Playboy de Chester Brown. C'est un peu osé, mais bon. Dans le Playboy, qui est une BD autobiographique, sortie début des, fin des années 90, début des années 2000, Chester nous explique qu'il préfère se masturber sur des playmates que de faire l'amour. Petite démonstration du pouvoir de certaines images sur une réalité quotidienne et les conséquences sordides qui en découlent. Dylan, en écrivant Magic Pen, dit qu'il était dans le même état que Sam au départ. Incapable de dessiner ou d'avoir des idées. Le déclic est venu en discutant avec sa sœur qui l'a encouragé à parler de ce qu'il vivait. Parler de soi, être honnête avec ses fantasmes, même les plus dégradants, c'est là certainement une des clés du succès d'une œuvre. Pour finir, je vous laisserai méditer sur deux citations imprimées dans la page de garde de Magic Pen. lune du poète William Butler Yeats. Dans les rêves commence la responsabilité. Et une autre citation, cette fois, c'est une actrice productrice de porno qui nous parle, Nina Hartley. Le désir n'a pas de morale. Je laisse la parole à Tiffen. D'abord... Mais d'abord à Axel. Je voulais juste rebondir un tout petit peu, Vincent, sur ta chronique, parce que Sam Zabel, c'est un des personnages de X-Ville. Ah bah c'est bien. Donc on a une espèce de mise en abîme entre X-Ville et Magic Pen, qui en fait, là tel que tu me le décris, moi je ne l'avais pas lu, je n'ai lu que X-Ville, il semble être en fait une espèce de spin-off de X-Ville. Enfin bon, tout est dans tout et réciproquement. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle chronique de cette BD que j'ai d'ores et déjà, même avant que tu commences, j'avais déjà envie de la lire parce que c'est toi qui l'as choisie. On va faire une première pause avant que Tiffen nous parle de Virginie Despentes avec un truc, pas de la musique néo-zélandaise, pas du rock néo-zélandais, rien de tout ça, juste un bon morceau de rap français. J'évite le sort des Twin Towers. Sacré au meurtre, j'ai les moyens du film d'auteur. Les dents plus longues qu'Austin Powers. Pris vitesse, tout va pas bien, toute une jeunesse en surplus d'hormones. Je crois que mon ange gardien fait son business avec le croque mort. Des jeunes en perte, au repère, s'il faut, ils te montent en l'air. On rate dès qu'on s'emmerde, si je tourne en rond, c'est que j'ai du plomb dans l'aile. Regarde dans le coin, des flics qui boivent, des jeunes qui trinquent. On vieillit depuis tout petit, j'ai des cheveux gris comme petit truc. On bat des drôles de records, trop de contenu pour en faire une playlist. Les kamikazes périssent, 9,57 pour un tour du périph'. T'es man au regard, on aime le rap et la locale. Au H24, j'ai mal au crâne, mais bon, je me dis que c'est pas trop grave. Mais je fonce vers l'hôpital quand je fais grimper. L'action de Pernod Ricard que t'as défoncé l'île de France. On veut voguer vers d'autres rivages. Si mon corps c'est mon hôtel, alors j'ai plus d'étoiles. Je vois Pure Sky, même quand je fume pas, je laisse une odeur de fumée froide. On est tous encastrés, ce quotidien nous rend tarés. Mais pareil que tout va bien tant qu'on est là pour en parler. Petit frère bande passera la nuit sans s'élasser. Mais pareil que tout va bien tant qu'on est là pour en parler. Ils font des trouvailles malsaines à chaque fois qu'ils draguent la scène. Il paraît que tout va bien tant qu'on est là pour en parler. Un score record pour le FN, il nous effraie mais qui les freine. Il paraît que tout va bien tant qu'on est là pour en parler. J'ai un orchestre au bout des doigts, mais y'a ni instrument ni batteur. Un PC, un mic et une canette de Königsbacher. J'suis juste un jeune pirate, né sous l'effet de la rubicha. C'est le coup d'épée après CD, t'as les oreilles d'un rugbyman. Pour mon crew, tout le monde crie, ça craque dans le coin, ça pue le crack. Trop de puterie, les bons crèves, j'suis clean même sous un pull crack. Sous une bûche, cas, tu l'as cherché si j'te saucissonne. En manque de denier, j'suis dans le grenier comme Hugo Simpson. C'est fièrement que j'représente. J'dis pas que c'est le tiers monde, mais clairement, si t'as des couilles en or, ils veulent les faire fondre. Des parcours entachés, un jour ou l'autre, t'es remplacé. Mais bon, il paraît que tout va bien tant qu'on est là pour en parler. On est tous encastrés, ce quotidien. Le quotidien nous rend tarés, mais pareil que tout va bien tant qu'on est là pour en parler. Petit frère bandelassé passera la nuit sans s'élasser. Mais pareil que tout va bien tant qu'on est là pour en parler. Ils font des trouvailles malsaines à chaque fois qu'ils draguent la scène. Il paraît que tout va bien tant qu'on est là pour en parler. Un score record pour le FN, ils nous effraient mais qui les freine. Il paraît que tout va bien tant qu'on est là pour en parler. Pas de quoi s'attendrir, ils préparent des bombes outre-Atlantique. Tous attentifs pour s'en sortir, faut être James Bond ou l'agent Smith. J'ai plus 20 ans, je suis attendu par le toupie. Même si la rune va comme un gant, faut que j'envisage un relooking. Je crois que je gratte depuis mes 15 ans. J'aime toujours pas ce qui est clinquant. Je touche pas que tes tympans. Je mobilise tes 500. Des bains de sang. Le monde danse sur un fond de requiem. À Ruriquet, y'a des briquets sous les cuillères. Au sein des rues étroites, la nuit est noire. Couleur encre de Chine. J'y vois rien, mais j'y braille. Des couplets de rap écrits entre deux spliffs. Si ça tape avant d'ouvrir, regarde pas l'œil ton. Tu veux fumer de la frappe. Écris mes phrases sur tes feuilles longues. Je fais le reporter, mais je raconte pas l'histoire Tintin. J'ai gratté avec tellement de plumes. J'ai de quoi monter une coiffe d'indien. On habite tout près des puces, là où ça passe du rire au drap. Faut faire trembler les fils de pute et les aiguilles du sismographe. On est tous encastrés, ce quotidien nous rend tarés. Mais pareil que tout va bien tant qu'on est là pour en parler. Petit frère bandelassé passera la nuit sans s'élasser. Mais pareil que tout va bien tant qu'on est là pour en parler. Ils font des trouvailles malsaines à chaque fois qu'ils draguent la scène. Il paraît que tout va bien tant qu'on est là pour en parler. Un score record pour le FN, ils nous effraient mais qui les freine. Il paraît que tout va bien tant qu'on est là pour en parler. De retour dans Qui ou Quoi, avec on vient de s'écouter Hugo TSR avec Tant qu'on est là, un petit morceau de rap, avant d'enchaîner sur Tiffen qui va nous parler de King Kong Theory par Virginie Despentes. Merci Axel. Alors je vais du coup vous parler de King Kong Theory, qui est paru en 2006 chez Grasset. C'est l'essai de Virginie Despentes. Je vais d'abord dire quelques mots sur l'auteur. Elle est née en 1969 à Nancy et elle vient du milieu punk et a fait partie du service d'ordre des Bérus. Et le punk, l'explosion des codes, est centrale dans son œuvre. C'est aussi une ancienne hétéro qui est devenue lesbienne, ce qui est aussi important dans son œuvre. Et c'est avant tout une romancière et pas une essayiste. Elle a une vision dans ses romans extrêmement lucide du monde social et des rapports sociaux, d'où l'importance de lire aussi ses romans. Alors les thèmes de ses romans sont principalement les relations de pouvoir et de domination, les galères quotidiennes, et aussi le sexe, la drogue, la prostitution. Elle retranscrit telles quelles les paroles et les pensées des personnages avec une très grande justesse. Le premier roman qui l'a fait connaître, c'est Baise-moi, en 1993. Il a fait scandale pour sa violence et sa crudité. Et il a été rejeté à l'époque par tous les éditeurs et a dû passer par les réseaux underground pour se faire connaître. Le film du même nom est sorti en 2000 et il a été immédiatement censuré, retiré de l'affiche car classé X. Les autres romans de Despentes parus dans les années 90 et 2000 sont Les Chiennes Savantes, Les Jolies Choses, Teen Spirit, Bye Bye Blondie, évidemment la trilogie Vernon Subutex parue plus récemment, et un super roman qui est sans doute son meilleur, c'est Apocalypse Bébé, paru en 2010 et primé chez Renaudot. Alors maintenant, King Kong Theory, c'est le seul essai de Despentes. Il vient d'ailleurs d'être adapté au théâtre. Il passe en ce moment au théâtre de l'Atelier à Paris depuis mai jusqu'au 7 juillet, et la pièce a été ovationnée. Ce bouquin est décisif. Or, il est relativement peu diffusé en dehors des milieux féministes radicaux. Et pourtant, il est très accessible parce qu'on peut le trouver à 6 euros en livre de poche. Il est court, enfin relativement court, une bonne centaine de pages, et il est facile à lire. D'ailleurs, comme le Figaro, lorsque est sorti King Kong Theory, avait parlé de ce livre comme un livre dont il est inutile de chercher une cohérence intellectuelle, du coup, ça en fait un livre intéressant. Et je vais montrer, au contraire, que ce livre est totalement cohérent. Les avis souvent des personnes qui l'ont lu et qui me reviennent, c'est que ce bouquin est super, mais évidemment, souvent les personnes disent « ce bouquin est super, mais évidemment je ne suis pas d'accord sur tout, sur tel ou tel point elle exagère ». Et moi je trouve au contraire que le propos est totalement pertinent. Donc, en résumé, ce bouquin, de quoi il parle? D'abord, elle part de son expérience personnelle. Elle fait un état des lieux de la révolution sexuelle post-68, et du moins ce qu'il en reste au XXIe siècle. Et elle parle d'une révolution inachevée, voire d'une régression actuelle. Elle centre son livre sur trois grands thèmes, ensuite, qui sont le viol, la prostitution et le porno. Et comme elle vient du punk, le punk explose les codes, et de la même façon, son bouquin met un coup de poing dans la figure à notre société, qui est toujours sexiste, et un coup de poing dans la figure aussi au féminisme traditionnel bourgeois. Et donc je vais respecter l'ordre du bouquin. Alors, d'abord, pourquoi on peut parler d'une régression de la révolution sexuelle? D'abord, les masculinistes se sont installés dans les années 2000, c'est-à-dire qu'on les voit de plus en plus dans les médias, et ils remettent en cause les acquis des années 70. Les idées qu'on entend souvent, c'est que les femmes étaient plus comblées avant, que la virilité des hommes est mise en danger par leur émancipation. Évidemment, les progrès des années 70 n'ont pas abouti au monde idéal, puisque les femmes acceptent d'être sous-considérées, acceptent toujours d'être moins payées. Elles ne sont pas libérées des tâches ménagères, elles ne sont toujours pas libérées de la tâche d'éduquer les enfants. Elles doivent rendre des comptes sur tout, leur look, leur poids, leur tenue, leur sexualité. Et que les petites filles continuent d'intérioriser certains comportements. Quand on est une fille, il faut être sage, docile, coquette. Les petits garçons ont plus tendance à savoir qu'ils peuvent faire du bruit, qu'ils peuvent s'affirmer, qu'ils peuvent décider. Et dans Teen Spirit, d'ailleurs, il y a une analyse intéressante, une réflexion intéressante sur l'éducation d'une jeune ado en tant que fille. Alors, en plus, aujourd'hui, la propagande pro-maternité est intense. Despentes dit même qu'elle est plus intense que jamais. Pourtant, les conditions dans lesquelles on élève les enfants sont de plus en plus mauvaises, puisque la société dégringole, le chômage se maintient, l'exploitation salariale est renforcée, les enfants sont de plus en plus lobotomisés par la télé, par la consommation de masse, l'école démissionne. Et malgré tout, on nous répète que la maternité, c'est l'épanouissement, que la maternité, c'est bien pour les femmes. Et aujourd'hui, une femme qui ne veut pas d'enfant et qui affirme qu'elle ne veut pas d'enfant, c'est encore une femme qui a forcément un problème. Soit on la traite d'égoïste, soit on a tendance à penser qu'elle a raté quelque chose. Aujourd'hui, à l'extrême opposé de ce modèle de la maman, il y a le modèle de la chienne de l'extrême qui s'est diffusé partout, dans la publicité, les magazines féminins, etc. Et pour autant, des pentes montrent que ce n'est pas non plus une émancipation, puisque cette fille ou cette femme a une obsession, c'est plaire aux hommes, comme pour les rassurer et leur dire « je suis peut-être libérée, mais t'inquiète pas tant que ça, finalement je ne pense aussi qu'à te plaire ». Derrière ces deux images opposées de la maman et de la chienne de l'extrême, ce que Virginie Despentes appelle la chienne de l'extrême, il y a une idée qui est que l'autonomie des femmes est dangereuse. Et les hommes aussi pâtissent de leur propre domination, puisqu'ils ont l'injonction d'être virils. Par exemple, un homme, pour répondre à cet idéal, ne doit faire preuve d'aucune vulnérabilité. Les hommes sont souvent obsédés par la taille de leur sexe. L'homme ne doit pas être un PD, il doit savoir faire jouir des femmes sans qu'elles leur expliquent comment, ne pas prendre trop soin de leur corps, être protecteur, fort, courageux, agressif, se désintéresser de ses enfants. D'ailleurs, on a dans Apocalypse Bébé le père de Valentine, qui est une adolescente qui a disparu, qui ne semble pas très intéressée par sa disparition. Et si on récapitule cet état des lieux de la révolution sexuelle que fait Despentes dans toute l'introduction de ce livre, c'est d'une part que la révolution sexuelle est à recommencer et qu'elle doit être celle des deux sexes, ce qui est essentiel, et d'autre part que la domination masculine est indissociable de la domination capitaliste et de celle de l'État, et qu'il faut combattre les deux à la fois, sinon ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, le féminisme de Despentes, qui est inspiré du féminisme pro-sexe états-unien, se démarque radicalement et s'oppose au féminisme traditionnel bourgeois. Le féminisme traditionnel se contente de l'égalité des droits, de parler de la parité, de l'égalité des salaires, de l'avortement, ce qui est déjà bien, mais c'est insuffisant. Il faut l'égalité des situations, il faut changer radicalement les représentations et les codes. Alors sur le premier chapitre de King Kong Theory de Despentes, le premier grand chapitre parle du viol. Et l'idée majeure de Despentes dans ce chapitre, c'est que non, le viol n'est pas la pire chose qui puisse arriver à une femme. Alors l'auteur part de son expérience personnelle, puisqu'elle a été violée elle-même à l'âge de 17 ans par des inconnus avec une copine. Et son originalité à elle, c'est qu'elle a continué de vivre comme avant, c'est-à-dire qu'elle a continué de sortir, de faire du stop, d'aller dans des concerts. Parce que c'est une punkette et que du coup, elle n'est pas soumise à l'idéologie dominante. Et l'idéologie dominante sexiste qui soumet la femme violée à une double peine. D'une part, le viol lui-même, et puis d'autre part, après le viol. Ce qui est encore plus problématique, c'est que comme on lui dit que rien n'est plus grave, il faut qu'elle en soit traumatisée à vie. Une femme digne, selon l'idéologie courante, préférait se faire tuer plutôt que violer. Et du coup, la femme violée doit se sentir coupable, doit être une victime en puissance, Esther. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, on a une petite proportion de femmes, des femmes qui sont violées, qui portent plainte. C'est autour de 5 ou 10%. Et d'ailleurs, cette situation a été mise en évidence par l'affaire Weinstein. La femme violée est enfermée dans ce rôle de victime parce qu'on lui refuse de recourir à la violence. Ainsi, même si le viol est omniprésent, le chiffre officiel, c'est 16% des femmes qui seraient soit victimes de viol, soit victimes au moins d'une tentative de viol dans leur vie, une fois dans leur vie au moins. Ce chiffre est gigantesque, mais pourtant, aucune consigne n'est donnée aux jeunes filles pour se défendre encore aujourd'hui. Et à la place des femmes, les hommes sans doute se défendraient, utiliseraient la violence, se vengeraient, s'en remettraient plus facilement s'ils subissaient un viol. Mais On a appris aux hommes à se défendre, on a appris aux femmes à ne pas se défendre. Et d'ailleurs, ce qui a fait scandale quand Baise-moi est sorti, que ce soit en livre ou en film, pourquoi il a posé problème ? Parce que c'est une fille qui a écrit ça. Dépente, elle-même a été victime de viol, mais une victime qui n'était pas assez silencieuse. Et du coup, tout le monde lui est tombé dessus pour la remettre à sa place de femme. Les féministes pro-sexe dont elle se réclame se battent pour le droit de risquer d'être violée, de se mettre en danger, donc de ne plus être traitées comme des petites filles, d'être éduquées à se défendre et pour la faculté de s'en remettre. La violence exercée par les femmes est le thème majeur, est un thème majeur de ces romans. C'est pas la violence subie par les femmes, pour une fois, c'est la violence exercée par les femmes. Et on a notamment le personnage de la hyène qui apparaît autant dans Apocalypse Bébé que dans Vernon Subutex, qui est une fille lesbienne, à la fois belle et terrifiante, et qui a assassiné à l'âge de 16 ans. On a aussi l'héroïne Gloria de Bye Bye Blondie, qui utilise la violence, qui casse tout, qui est révoltée tout le temps. Et dans Les Chiennes Savantes, il y a aussi un personnage d'une poupée qui travaille dans un pipe-show et qui se met à assassiner sauvagement aussi. Dans ses romans, Despentes, elle renverse du coup ce paradigme qui règne, qui est celui de la femme douce, soumise au désir de l'homme, passive. Et Despentes, du coup, nous fait penser la violence des femmes. Penser la violence des femmes, c'est le titre d'un livre qui est sorti aux éditions La Découverte en juin 2017. Et je peux citer aussi un livre d'Elsa Dorlin qui est paru également en 2017, qui s'appelle « Se défendre, une philosophie de la violence ». Alors c'est pas que sur les femmes, mais ça traite en partie des femmes. Toujours sur Radio Duo dans Qui ou Quoi, et Tiffen continue de nous parler de King Kong Theory de Virginie Despentes. Merci Axel. Alors après avoir parlé du viol qui est la première partie de King Kong Theory, la première grande partie, je vais parler de la prostitution qui est le deuxième grand thème. Despentes elle-même s'est prostituée et son propos c'est de dire qu'en gros il y a bien pire comme boulot. Alors entendons-nous bien. La prostitution qu'on voit dans les médias, qui est la plus médiatisée, c'est la plus sordide et la plus glauque. C'est-à-dire que c'est celle des réseaux organisés en périphérie des grandes villes, où les filles sont souvent sans papier et généralement non consentantes. et qu'elles sont exploitées jusqu'à la moelle. Vu qu'elle est médiatisée, cette prostitution, on en tire des conclusions sur le sexe tarifé dans son ensemble. Or, ce n'est pas la seule forme de prostitution. Despentes, elle, a expérimenté pendant 2 ans. Au début des années 90, elle avait 22-23 ans. Elle a exercé dans des conditions décentes, en passant par le Minitel, et elle a eu en 2 ans une 50aine de clients. Alors évidemment, cette prostitution est très différente de celle qui est majoritaire aujourd'hui, celle des réseaux, qu'on peut qualifier d'esclavage sexuel. Et sa conclusion, la conclusion qu'elle en a tirée, c'est que c'est bien plus confortable et intéressant de faire ça, dans les conditions dans lesquelles elle l'a fait, que d'aller pointer dans la plupart des jobs et d'engraisser des patrons. Dans les années 90, d'ailleurs, cette forme de prostitution est bien plus répandue que ce qu'on croyait. Plein de filles le font, toutes le font en cachette. La prostitution est le seul prolétariat qui émeut la bourgeoisie et le féminisme traditionnel qui réclame son abolition. Pourquoi ils veulent l'abolir ? Pas tant parce que les filles sont salariées, dominées, exploitées, mais parce que c'est du sexe. Et d'ailleurs, l'exploitation des autres femmes dans tous les autres boulots ne pose pas problème. Sinon, ces féministes bourgeoises réclameraient l'abolition du capitalisme, ce qui n'est pas le cas. L'idéologie dominante fait de la putain une victime qu'il faudrait à tout prix plaindre. Et le pire pour les bourgeois, c'est pas que les putes puissent ne pas survivre à leur boulot, mais c'est qu'elles puissent avoir choisi ce métier, ce qui est inconcevable pour eux. Le but, c'est d'aussi culpabiliser les hommes, en leur rappelant qu'ils ont une sexualité monstrueuse qui détruit des vies. Dans le commerce de services sexuels, il y a aussi que les vendeuses qui posent problème, pas les clients. La putain est une femme à part, parmi les femmes, une victime, alors que le client, c'est un peu monsieur tout le monde. Ça peut être un peu n'importe quel homme. En tout cas, il n'est pas différencié des autres. Or, beaucoup de clients sont fragiles, vulnérables et malheureux. C'est ce qu'en témoigne Despentes d'après son expérience. Alors, le propos peut-être le plus provocateur de cette partie, mais pas non pertinent pour autant, c'est qu'être une prostituée, si le job était fait dans des conditions de travail décentes, celles qu'elle a pu connaître elle-même, il serait attractif. Elle va même jusqu'à dire que le modèle de la pute est plus attractif que celui de la mère de famille. Pourquoi elle dit ça ? Parce que le contrat marital, au final, c'est quoi ? C'est généralement des corvées non payées, dont les tâches sexuelles, c'est assurer le confort de l'homme, c'est être dépendante. On n'en tire donc aucun profit. Et pour elle, il est plus confortable de tirer profit de ses charmes. Et c'est davantage le mariage que la prostitution qui est une violence faite aux femmes. Elle dit aussi que ce job est plus attractif qu'un autre boulot, parce qu'on se fait de l'argent facilement. En 2 heures, elle pouvait gagner ce qu'elle gagnait en 40 heures avec un autre job. Et elle dit aussi qu'une pute à son compte est plus libre qu'une caissière de supermarché payée au lance-pierre. Elle défend une certaine forme de prostitution. Elle dit que c'est pas un job pire qu'un autre et même mieux que beaucoup d'autres dans une société capitaliste. Et elle défend aussi le porno. Elle défend cette forme de prostitution et le porno. D'ailleurs, les deux héroïnes de Baise-moi, capables d'un déchaînement de violence, sont une prostituée et une actrice porno. Il y a donc un parallèle évident qui peut être fait entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'elle dit sur le porno ? Son propos principal, c'est de défendre le porno qui fait l'objet d'un rejet fanatique. On s'empresse effectivement tous et surtout toutes de dire qu'on n'en regarde pas, surtout les femmes. Dans les années 70, Giscard avait interdit le porno au cinéma. La vraie raison de cette interdiction, c'était qu'il avait un succès populaire et qu'il se démocratisait. Et on a voulu maintenir l'épanouissement sexuel dans le domaine des élites, empêcher son accès aux autres catégories sociales. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, sont encore terrifiés à l'idée que les jeunes puissent en regarder. Et pourtant, il n'existe aucune autre vraie forme d'éducation sexuelle. Alors, je peux citer un passage d'Apocalypse Bébé. Ce qui est formidable dans les romans de Despentes, c'est qu'on trouve aussi plein de citations. Je cite « Quoi qu'on pense de la pornographie, elle a le mérite d'enseigner aux hommes qu'on ne fait pas l'amour affalé sur sa partenaire sans même se soulever de temps en temps pour regarder la tête qu'elle fait. » Un grand prétexte pour lutter contre le porno, de ceux qui veulent lutter contre ça, c'est de préserver la dignité des femmes. Mais c'est une définition bourgeoise et très restreinte de la dignité féminine qui est avancée. Dans cette version, la femme digne, c'est celle qui n'a pas le droit au sexe. À côté de ça, on se fout que les actrices porno soient mal payées, qu'elles aient des contrats aberrants, qu'elles aient des mauvaises conditions de travail et qu'elles ne puissent faire aucune reconversion professionnelle. On enferme les actrices porno et plus encore les hardeuses dans la réprobation et la honte, car elles transgressent, comme on le fait avec les prostituées. Les actrices porno sont aux antipodes de l'idéal de la femme respectable, de la mère de famille. La femme convenable, elle, doit rejeter tout fantasme, alors que lui, l'homme, lui, y a droit. Les actrices porno, et les hardeuses surtout, ont une sexualité d'homme. Elles sont donc disqualifiées pour ça, et il faut à tout prix les plaindre. De la même façon que les nymphomanes sont dénigrés d'ailleurs. La multiplication des conquêtes, on trouve qu'elle est normale chez les hommes. Quand c'est une femme qui l'a fait, on trouve ça un peu moins normal, ou alors c'est forcément un signe du fait qu'elle n'est pas épanouie sexuellement. Au final, tout le monde les admire parce que les actrices porno sont plus libres que les autres. Autre chose, les hommes se sont emparés du porno. Ce sont eux qui mettent en scène le porno. Le désir féminin passe par le regard des hommes, généralement. Depuis 40 ans que cette industrie est née, ils en sont les principaux bénéficiaires économiques. Les hommes se sont aussi emparés de l'orgasme féminin. Il est apparu, on a commencé à en parler dans les années 70. Très vite, c'est devenu un impératif et plus une possibilité pour les femmes. Donc la femme qui ne jouit pas, elle est disqualifiée comme une femme frigide. D'autre part, l'homme est celui par qui la femme doit jouir, sans qu'elle lui dise comment d'ailleurs. De nombreuses filles attendent ainsi de trouver l'homme qui les fera jouir. Et comme la masturbation féminine est aussi encore taboue, beaucoup ne savent pas elles-mêmes comment on peut jouir. En conclusion, King Kong Theory, c'est un bouquin à acheter, à lire, à prêter, à faire circuler copieusement. Il détruit efficacement des croyances toujours coriaces qui nous empêchent de nous émanciper. Et c'est le rejet de l'injonction à la féminité qui a fait de Despentes ce qu'elle est devenue. Et Despentes le dit bien en introduction, elle préfère être Virginie Despentes plutôt que n'importe qui d'autre. Parce qu'en réalité, la féminité, c'est la servilité. C'est la douceur, c'est se laisser faire, c'est faire profil bas. J'incite donc à lire King Kong Theory, comme à lire toutes les œuvres de Despentes, car il ne s'agit que de lectures à la fois très intelligentes, subversives et émancipatrices. Eh bien, merci Tiffen pour cette présentation de King Kong Theory. Merci Axel. J'ai mon fil Twitter, enfin en gros j'ai reçu des textos pendant que tu parlais, on m'a conseillé des livres en écho à King Kong Theory, des livres de Silvia Federici. Ah, je connais. En l'occurrence, deux livres, Caliban et la sorcière, Femme, corps et accumulation primitive, et Point zéro, Propagation de la révolution, salaire ménager, reproduction sociale et combat féministe. Merci. Donc, on mettra tous ces liens aussi en commentaire du podcast de cette émission, sur le site de Radio Dio et sur le Facebook de l'émission Qui ou Quoi. En tout cas, je suis vraiment super content que vous soyez venus, Vincent et toi, pour cette dernière émission. Et effectivement, comme j'ai dit, j'ai vraiment gardé le meilleur pour la fin. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez compris, c'était de vous dont je parlais. Hein. C'était vous. Vous avez été très très bien. Je voulais remercier, donc je vous remercie d'être venu. Merci Axel pour cette dernière émission. Peut-être que vous reviendrez l'année prochaine. Nous, c'était la dernière émission de Qui ou Quoi pour cette saison. On se retrouve l'année prochaine, enfin l'année scolaire prochaine, hein, pendant les vacances. Pas de Qui ou Quoi, mais de la radio audio quand même, hein, qui continue d'émettre. Pas de Qui ou Quoi pendant les vacances, mais on se retrouve à la rentrée. En attendant, bah, lisez bien cet été et puis à bientôt. Et puis